man JD, rest in peace. Clack and go, steel SF flow. Tout le monde veut des punchlines. Tout le monde veut des punchlines. Tout le monde veut des punchlines. Vas-y, balance nous des punchlines. Vous demandez des punchlines. Vous aurez le flow karatéka que tous les MC posent. Le micro, dealer d'arrêter là. J'ai transformé mes rimes en or comme un alchimiste. Mon rap se dort, la pilule pendant que le tien fait de l'exercice. Toujours précis comme un bon chirurgien dentiste. C'est pas des rimes que je pose, c'est des calculs de temps d'otis. Je fais monter la température comme en 76. J'arrive avec un bon 16, mesure de frappe qui t'est scotché sur ta chaise. Mais ces temps-ci, les temps sont durs comme du titane. Les rappeurs pensent comme des ânes et la muse du public a mal. Parfois j'expose mes récitals de manière à ce que tu comprennes. L'essentiel est de capter l'instant présent comme un cliché sans gêne. J'enchaîne les comparaisons comme des conquêtes, toujours en quête de sensations fortes comme une agro du 7. Je la joue souple comme du rex étendu comme la peau des fesses. Je la joue smooth comme si elle vénère comme quand tu croises ton ex. Tout le monde veut des punchlines. Tout le monde veut des punchlines. Tout le monde veut des punchlines. Vas-y, balance nous tes punchlines. Ok, passe-moi le mic, que je les brise tous. C'est vrai que j'ai pas le bras long, mais j'ai une pile d'ours. Mes potes et moi, t'as crié, tout est face. T'en eus la chia, groupe, t'as commencé le rap quand ton pote a percé. T'as voulu goûter mes punchlines. Et vu ta bouche, très un buzz like. Oh, comme t'es nage, je vais pas forcer. Sinon, tu juste de pas capter toute la subtilité de mes faces. Quand ta surprise est vraie, toi quand tu rappes, t'es dans un film. Où tu joues le rôle du pime. Le seul souci, c'est que tes rimes tapinent jusqu'aux 3 centimes. Faut que t'arrêtes, arrête. Sérieux, tu me fais de la peine. Ouais. Tu me fais marrer à tes hip hop quand tu poses sur de la tech. Si j'atténue mes faces, c'est parce qu'à mon niveau, il serait stupide de me voir refiler du caviar au cochon. Non, il te reste quoi par te dire que je me la pète. Dis-toi que c'est juste des punchlines et que c'est pas mon tel. Tout le monde veut des punchlines. Punchline. Tout le monde veut des punchlines. Punchline. Tout le monde veut des punchlines. Punchline. Vas-y, balance nous des punchlines. Car la huisse, qu'est-ce qui lui arrive? Des marchands de qui est Jim Slim, oh flash, il est Nike, ils ont paré boire Booster Punky. Encore un fou, tout comme la bijouterie sur patte derrière avec son trou. A chaque nouveau prix, nouveau spécimen, seul ou en team, chacun y va de là, son grain de sel, yes, mais à trop salé le plat, il devient dégueulasse. À la loupa, mi village, j'en mangerai pas. Moi, si j'ai le choix, sauf si je ne l'ai pas. Enfin, là, je m'écarte, menez-moi la tête à claquer, je l'éclate. Il fait le crâne, la saille de phase, brute comme un diamant. Mike pour ses larmes, je lutte comme un homme. Ici, c'est hot shit, spot. Spotlight, watch it sur ma team tonight.